frère, c'est les rats. Je ris jaune, non pas parce que j'ai plus de dentifrice. On m'identifie, putain de rappeur anti-flic. La rage dans les os, laissez faire, je suis sur le réseau. J'accoste les demoiselles, fonce de haut d'un oiseau. C'est la merde dans mes deux shows. Sarko envoie nous tes shows. Ma cœur, je les car, on vient des quartiers chauds. A chaque Kioni, je vois grand comme chaque Kioni. Y'a que le boule de Katsumi qui m'illumine. Trop de stars à mes trousses, chante mon blues, vous brûle tous. Je fais ma promo par le Bluetooth. C'est le quartier vite, c'est que peu si c'est sorti. On fait pas de fleurs, on jette direct dans les orties. Avec mon pote au style, si tu kiffes pète un stick. Les pétasses flippent, car j'ai le stylo, stylo, stylo. Fuck les collabos, toujours au poste, micro sneak. Ici dans mon quartier, c'est la Bosnie. Viens dans mon 9-1, t'aimes le seum bien viscère. Viens dans mon 7-16, si ça baisse au commissaire. Viens dans mon 9-1, baisse que des vraies nymphos. Viens dans mon 7-16, où les tasses s'affolent. Viens dans mon 9-1, t'aimes les tours de béton. Viens dans mon 7-16, tu t'arroses en piture. Viens dans mon 9-1, on aime le poulet rôti. Viens dans mon 7-16, très belle quand ça rétit. On a le temps qui raille le béton, c'est trop spice quand le blé tombe. On veut débarrer, c'est pour ça que la misère on l'entue. Mentalité révolutionnaire, et ouais ma gueule, j'ai le rap avec mon. On s'en missionnait, même si lui ça me sonar. C'est long bitch, je veux con, je veux mon speech pour con. Soler ta bitch, mon con, et ça te touche au corps. Moral écorché, quand un fils de pute menace au car. Cher, moi je crache sur les crasseux. Wesh, qui sert, faut que ça surine, ouais. Qu'on assassine, ouais. Ici, on vit juste entre parenthèses, c'est pas rentable. Et si ça part en tout, c'est qu'on oublie ton accord parental. Et paraît-il que la routine se lit dans ma rétine. On paraît tendre, mais le seum me paraît tentant. J'entre en terre sainte, c'est dans mon rap par nécessité. Laisse mon style dans la soupe, et c'est le sautage. Mon arme ça cache tout gros bellec à ton verre, j'ai glissé le cache ton. Viens dans mon 9-1, t'aimes le seum bien viscère. Viens dans mon 7-16, si ça baisse au commissaire. Viens dans mon 9-1, baisse que des vrais nymphos. Viens dans mon 7-16, où les tasses s'affolent. Viens dans mon 9-1, t'aimes les tours de béton. Viens dans mon 7-16, tu t'arroses en piture. Viens dans mon 9-1, on aime le poulet rôti. Viens dans mon 7-16, très belle quand ça rétit. Long bitch, bombe la ville, 9-1-7-7, bâtard. T'as pas le mental, demande à Sopic Balta. Trop de putes mandat spike, vend la bague, ça tape halbat. Dans mes poumons, y'a trois cartouches de Malbac. J'ai les gros comme un piranha, l'état me prend pour un âne. Et Algérie représente l'Espagne, Mali, Algérie. J'suis un chien de la casse, sans laisse, qui se consume comme une sans aise. J'suis au mic, fait une minute de silence. Banise les gaz balades entre la joie et le milieu carcéral. Comment croire au futur tellement que mon passé râle. Demande à qui sert ce qu'un nouveau mec qui parle mal de nos sœurs. Oh, stylo MIC, tu m'aimes la colombe est remplie de sang sincèrement. Je baisse la censure, man. Vénère comme à Sarajevo chez moi quand ça parle de paf par ça et ça rêve trop. Plein de percées, petit boy, si t'es fait pour cible, t'auras ton corps à la cible ou dans une civière. Viens dans mon 9-1, t'aimes le seum bien viscère. Viens dans mon 7-16, si ça baisse le commissaire. Viens dans mon 9-1, baisse que des vrais nymphos. Viens dans mon 7-16, où les tasses s'affolent. Viens dans mon 9-1, t'aimes les tours de béton. Viens dans mon 7-16, tu t'arroses en piture. Viens dans mon 9-1, on aime le poulet rôti. Viens dans mon 7-16, très belle quand ça rétit. 9-1-7-7, connexion frère, qui sert, hostile, ya, la tour d'horizon, photo. 9-1-7-7, frère, qui sert, scélérat, MDB, blah. Long Beach.